Express libre, verso, quel est le mot de l'humanité? Celui qu'on ne voit pas, qu'on ne veut surtout pas citer. Dans toute classe sociale, il est caché ou abrégé par le non-dit. On est tous suiveurs, car peur d'être rejeté. Comment peux-tu être optimiste quand t'es informé? Ta grande gueule ne passera jamais, peu importe le côté choisi. Faut être bien chaussé pour marcher sur le parvis. Mais c'est pas tes Nike qui t'ont grandi, non. Alors pose-toi deux secondes et réfléchis où j'en suis. Nulle part et partout éternellement indécis. Un disciple dissipé dans la discipline dispersée en manque de spleen. Lâcher des faces contre leur lâcheté vaseuse. Vu le scénario, y'aura pas de fin heureuse. Lâcher mon senti, action ma feuille que je crache. Mon vomi, j'envoie mon vague à l'âme sur le macadam. Tantôt marabout, tantôt imam. Rien qu'un passeur qui ne demande pas de dirham pour t'emmener au pays des craintifs où on sort dans la rue seulement quand le syndicat organise la manif. Lâche, ne lâche pas le combat. Quand on marche au pas, s'enfuir le front ne tiendra pas. Nature lâche pour demain, ne recule plus. Je ne suis pas fier d'être humain, mais j'en ai pas honte non plus. Lâche, ne lâche pas le combat. Quand on marche au pas, s'enfuir le front ne tiendra pas. Non. Lâche-moi que je crache quelques phrases, que je me fâche. Ouvrir la marche, mon cul, on se cache ou on se crache dessus. C'est le jeu de la pierre et du lanceur qu'on n'a pas vu. Mangeur de pierre, ton courage t'a retenu. Mais la trêve ne manque plus que de main tendue. Je sais, c'est dur. De nos différentes natures, nature lâche mon gars, où est ta wash? Rien ne dure, tout s'arrache, ton courage, bois la tasse ou quoi? Vise un peu les alentours et ce qui se passe devant toi. Refuse de voir, attends la baffe qu'elle te mettra. La vague, tu l'arrêtes pas, que les lâches fassent un choix. On les tous à tous les temps, crache ta peur, on fait partie du même temps. C'est dans enseignant, y'a ceux qui profitent et ceux qui serrent les dents. Enseignant de principe, y'a ceux qui résistent et ceux qui font mine d'être dedans. Lâche, ne lâche pas le combat. Quand on marche au pas, s'enfuir le front ne tiendra pas. Nature lâche pour demain, ne recule plus. Je ne suis pas fier d'être humain, mais j'en ai pas honte non plus. Lâche, ne lâche pas le combat. Quand on marche au pas, s'enfuir le front ne tiendra pas. Non. Avec un bloc, une prod et je balance mes idées. Ce n'est pas les poignets liés qu'il faudra se manifester. On attend souvent trop tard pour sortir de son trottoir. C'est dans l'air du temps de jeter la faute sur le voisin. On attend patiemment que le mal fasse le chemin. Trop dur de tendre la main. Un homme dans le besoin, ça qui a l'air bête contagieuse. Alors on reste à notre place, quelqu'un viendra l'aider. Moi je préfère bouchiner, mais quand on touche mes intérêts, je suis premier à me lever. L'individu passe en premier, et le partage est méprisé. Le capitalisme a réussi, car on est désunis. Pendant qu'on marche et bloque, ils passent leur effort. Donc on se bouffe entre nous, des hordes de loups. Ils passent leur loi raciste, leur texte extrémiste. Et nous on se marche dessus, pour une poignée de sous. À comparer ça va quoi, démesurer son écho. Lâche, ne lâche pas le combat. Quand on marche au pas, s'enfuir le front ne tiendra pas. Nature lâche pour demain, ne recule plus. Je ne suis pas fier d'être humain, mais j'en ai pas honte non plus. Lâche, ne lâche pas le combat. Quand on marche au pas, s'enfuir le front ne tiendra pas. Non. La lâcheté pour devise, les pères vendre et leur fils pour une histoire de bise. Le tout dans la méprise, la traîtrise et la bêtise. Aucune mesure dans la maîtrise. L'homme aime faire compliqué sans chercher simplicité. Il aime agir, mais sans savoir réfléchir. Il fuit ses responsabilités, ses actes et leur gravité. Chaque prétexte est bon pour laisser ses frères au fond. Sauver sa personne et laisser les cris qui résonnent. Où sont passés les textes qu'on décortiquait? On avait besoin d'une loupe pour capter le phrasé. Mais aujourd'hui le rap c'est comme un tourniquet. Ça tourne en boucle et ça fout la nausée. Voici mon smec là, même si la fin est annoncée. Y'a pas de fin drapé, plutôt que renoncer. Voici mon encre mélangée à ma sueur. C'est tout ce que je peux te donner, ouais, même si c'est pas assez. Y'a que ça que vous méritez, y'a que ça que vous méritez.